les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Là où jadis vivaient des nonnes, dans ce qui était une campagne parisienne, fut créée au début du XXe siècle une salle de cinéma. Salle de cinéma qui fêta, un beau jour, ses 25 ans. Salle de cinéma qui existe encore, tant mieux, et qui approche aujourd'hui de son centenaire. Dans cette salle, les réalisateurs, les comédiens, les artistes de tout poil, les étudiants du quartier latin, les journalistes, savaient que, rue des Ursulines, ils pouvaient projeter, voir, applaudir, chahuter, critiquer, à très haute voix, s'ils le souhaitaient, toutes sortes de films. Un film, mais aussi, telle fut longtemps la programmation, 5 minutes d'avant-garde, puis 5 minutes d'avant-guerre, puis 5 minutes d'après-guerre. L'Ange Bleu fut projeté 14 mois de suite, remplacé par l'Opéra de Katsu, et plus tard, il y eut Jour de colère, Citizen Kane. Le studio des Ursulines fêtait ses 25 ans, c'était sur Paris Inter le 11 février 1952. La radiodiffusion française présente une évocation radiophonique de Roger Régent. Les Ursulines ont 25 ans, avec Ronan Alexandre de la Comédie Française, le récitant, Amédée, le guide, avec Margot Lyon et Léo Noël, Alexandre Arnoux, Marcel Carnet, Ève Francis, Fernand Léger, Maneret, Philippe Soupeau, et Armand Tellier, fondateur avec Laurence Mirga du studio des Ursulines, évoqueront leurs souvenirs au cours de cette émission. Réalisation Jean-Wilfried Garrett. Autour de cette rue des Ursulines, nous nous trouvons actuellement, mesdames, messieurs, s'élevaient autrefois des couvents et des cloîtres. Au XVIIe siècle, il n'y avait sur cette montagne Sainte-Geneviève que jardins et lieux de prière. Seuls troublaient le silence Angélus et Matine. À la place même où nous sommes, était la maison des Feuillantines. Plus loin, les bénédictins anglais de la rue Saint-Jacques, eux-mêmes voisins des carmélites du faubourg Saint-Jacques, où en 1710 mourait sœur Louise de la Miséricorde qui avait été mademoiselle de la Vallière, maîtresse du roi à 17 ans. Les religieuses de la Visitation, les filles de Saint-Michel, méditaient elles aussi sous les arbres du quartier. C'est au cœur de ces jardins qu'en 1612, Madame L'Huillier, veuve de Claude Leroux, seigneur de Sainte-Beuve, fonda le couvent des Ursulines. En 1798, la maison fut démolie, mais il resta des vestiges du couvent au numéro 10 de l'actuelle rue des Ursulines. Au numéro 10 est aujourd'hui le studio des Ursulines, qui fut, avec le vieux colombier de Jean Tedesco, le premier cinéma d'avant-garde du monde. Ces rumeurs ont laissé des échos dans la vie de Paris. C'était hier, il y a 25 ans. Une paisible petite rue du quartier latin vit des heures de révolution. Les poules qui, sur la chaussée, picorent l'herbe poussant entre les pavés mal joints, s'effarouchent, s'enfuient et s'engouffrent affolées dans les couloirs. Tout à coup, les portes d'une salle remplie à bloc éclatent. L'explosion projette sur le trottoir quelques dizaines de personnes qui font du bruit comme sang, vocifèrent, s'invectivent. L'émeute gagne la rue, les fenêtres et les volets se ferment, comme lorsqu'on sent venir les coups de chien. C'est à partir de ce soir-là, 21 janvier 1926, que la paisible rue des Ursulines, Paris 5e arrondissement, cesse de couler des nuits calmes dans le souvenir de son passé édifiant. Entre l'époque où, sous l'invocation de Sainte Ursule, des religieuses toutes de noir vêtues glissaient comme des ombres dans les couloirs du couvent, et ce jour où, sur un écran, commencèrent à s'agiter d'autres ombres silencieuses, elles aussi, mais qui dessinaient des images profanes et provocantes, propres à scandaliser la bonne Madame L'Huillier, Il se passa beaucoup de choses sur ce petit territoire de la montagne Sainte-Geneviève consacré aujourd'hui aux fantômes du cinéma. Terrain vague d'abord, puis il s'installa, mesdames, messieurs, une usine où la maison Padeloup fabriqua ses pianos. Bientôt une salle populaire, noces et banquets, bal du samedi soir. Un peu plus tard, les marionnettes polonaises, ils font trois petits tours et puis s'en vont. 1911, voici Raymond Duncan et sa suite grecque. Gilles Robin, propriétaire de l'immeuble et psychiatre réputé, a évoqué dans un texte qu'il a signé avec Louis Chéronnet cette colonisation de la rue des Ursulines par le grand prêtre et les apôtres de la nouvelle religion. Après la Grèce et les cérémonies rituelles où la métaphysique et la philosophie parviennent jusqu'au peuple des initiés par les voies de la danse, le cinématographe enfin s'installe sur les derniers vestiges du couvent des Ursulines. Rigaudin remplace l'université hellénique. La course au potiron déroule ses poursuites sur un petit écran fixé au mur où, 300 ans plus tôt, Madame L'Huillier accrochait des images pieuses. La guerre. De nouveau, le silence règne rue des Ursulines. L'écran s'éteint. La salle ferme. Peu avant 1918, ouvre le Coquet Cinéma. Mais les affaires vont mal. Un café-concert éphémère ne parvient pas davantage à intéresser le public du quartier. C'est alors qu'en février 1921 s'installe sur cette scène un homme qui, pour la première fois, va monter des spectacles selon ses conceptions propres. Il s'appelle Charles Dullin. Alexandre Arnoux, qui fut le premier compagnon de Dullin, va évoquer avec Roger Régent les souvenirs qu'il garde de cette époque. Vous qui avez été un des premiers compagnons de Charles Dullin, voulez-vous nous raconter, Alexandre Arnoux, vos souvenirs de cette époque où Dullin alla pour la première fois aux Ursulines? Cela devait se passer en 21, je crois. Dullin n'avait pas de salle. Il avait loué, tout près de Saint-Sulpice, rue Honoré-Chevalier, une boutique où on donnait des spectacles. Des spectacles qui comportaient au maximum 25 ou 30 spectateurs. Et les acteurs n'avaient pas de place pour jouer. Il voulait déjà prendre du large, et son premier grand théâtre a été les Ursulines. Il s'agrandissait en allant aux Ursulines. Si l'on peut dire, ce n'était pas très grand non plus. Non, mais enfin, c'était tout est relatif. Aux Ursulines, il alternait, s'il me souvient, avec un spectacle de café-concert ou de music-hall, avec des chanteurs de charme, avec des danseuses acrobatiques et mondaines. Et ces spectacles, deux ou trois fois par semaine, il les donnait aux Ursulines. Il a monté là des intermèdes espagnols, les Olives, je crois, de Lope de Rueda. Il a monté une pièce de Bérubé. Il a monté le divorce de Regnard. Et il a monté même, il l'avait déjà donné chez lui, boulevard Pereire, du reste, cette petite pièce, ce petit mimodrame, Moriana et Galvan, que j'avais écrit et qui, par une fortune singulière, a été reprise l'année passée au studio des Champs-Élysées par le mime Marceau. C'était déjà une sorte de demi-succès pour Dullin. Demi-succès, je veux dire, ce n'était pas un succès d'argent, il ne gagnait pas grand-chose, mais son nom se répandait. Et c'est peut-être grâce aux Ursulines et à ce qu'il y a fait, que Copeau avait vu, c'est peut-être grâce, dis-je, aux Ursulines, que Copeau lui a prêté le vieux Colombier pendant deux ou trois mois, et ensuite une dizaine de jours où il a monté La vie est un songe, et c'est cet argent alors qui lui a permis de prendre en location le théâtre de Montmartre, qu'il a appelé le théâtre de l'Atelier. C'est donc le théâtre des Ursulines qui a été, pour ainsi dire, le marchepied de la carrière théâtrale de Dullin. Mais savez-vous qui avait parlé à Dullin et de cette salle de la rue des Ursulines? Je ne sais pas exactement. Il devait la connaître parce que, quelques années auparavant, nous mangions, nous déjeunions très souvent rue des Fuyantines, chez un nommé Toto, qui était libéral dans ses ardoises. Et là, mangeait Dullin. Je me souviens qu'il y avait Saturnin Fabre, qui était à l'Odéon, qui y mangeait aussi. Il y avait des Russes du quartier qui prenaient là leur repas, et dont quelques-uns ont joué un rôle important dans la Révolution. Et enfin, il y avait tout le groupe des musiciens de la Scola, le Flemme en particulier. Mmh. Et comme la rue des Fiorentines, illustrée par Hugo, est très voisine de la rue des Ursulines, illustrée par Tallier, si j'ose dire, Dullin a certainement entendu parler de cette petite salle à ce moment-là. Et vous-même, vous la connaissiez? Vous y aviez... Moi, j'y ai un souvenir, j'y ai le plus beau souvenir de ma vie cinématographique. Cela devait se passer en 17 ou 18, je ne sais plus exactement, et on commençait à en parler d'un certain Charlie Chaplin. Les gens disaient, ce qui paraît que c'est très curieux, on l'a vu en Angleterre, enfin c'était des bruits qui couraient à Paris, aux armées, un peu partout. Et j'arrive à Paris, une certaine semaine de permission, où j'ai vu deux films. J'ai vu, dans les environs, sur les boulevards, du côté du pavillon de Hanovre, Forfaiture. Et Aux Ursulines, qui ne s'appelait peut-être pas Les Ursulines du reste, j'ai vu Charlot Soldat. C'est le premier film de Chaplin que j'ai vu, et ce n'est pas un de ses plus mauvais, certainement. Vous étiez bien servi dans la même semaine. Oui, c'était un éblouissement. C'était vraiment la révélation du cinéma. Et il y avait là un public très curieux. Il y avait un public composé de gens du quartier, de permissionnaires. Il me souvient qu'il y avait à côté de moi un brave garçon qui avait son litre, et à chaque gag de Charlot qui le faisait rire, il buvait un coup. C'est-à-dire qu'il buvait souvent. Il buvait tout le temps, même. Il y avait une grosse commère à côté de lui, il se tapait sur les cuisses. Et alors, il y avait en même temps des intellectuels, il y avait des artistes. Et j'ai eu le sentiment, de ce qu'a réalisé Charlot véritablement, de rassembler complètement tous les publics, du plus intellectuel au plus populaire, et de le fondre et de le malaxer par son génie. Dulin parti, c'est de nouveau le cinéma qui s'installe rue des Ursulines. Le bijou succède au Regina, le coquet au Royal. On parvient ainsi jusqu'à 1925. C'est alors qu'un homme, un comédien qui a collaboré avec Jacques Copeau au Vieux Colombier, en compagnie du débutant Louis Jouvet, et qui est en outre une grande vedette de l'écran, cherche une salle pour ouvrir un cinéma où l'on verrait des films pas comme les autres. Un jour de l'été 1925, Armand Tallier rencontre avenue Montaigne un jeune metteur en scène qui n'a encore tourné que deux films. Avant de vous demander, Armand Tallier, qui était ce jeune homme que vous avez rencontré avenue Montaigne il y a 25 ans, voulez-vous nous dire comment vous avez été amené et pourquoi vous avez été amené à envisager d'abandonner l'interprétation, car tout de même vous étiez une grande vedette du cinéma à cette époque? Eh bien, en 1924, le cinéma français était en pleine crise. Déjà ? Oui, déjà. D'ailleurs, je n'ai jamais connu le cinéma français autrement qu'en pleine crise. Il était un peu comme cet homme politique, vous savez, dont on a dit qu'il a une mauvaise santé de fer. D'ailleurs, s'il n'est pas mort maintenant, je n'ai pas l'impression qu'il mourra jamais, car on a vraiment tout fait pour le tuer. Les acteurs venaient de créer le comité de défense du film français. Déjà, il y avait déjà un comité de défense. Il y avait déjà un comité de défense du film français. Nous nous répandions dans les salles, chahutant les films étrangers et criant que nous voulions vivre de notre métier, certains disaient de notre art, dans notre pays. Nous franchissions quelquefois même les portes du Sénat pour crier notre désespoir à des hommes politiques qui nous écoutaient distraitement, somnolents, et pensant avoir affaire à des saltimbanques ou à des acrobates en chômage. Voulez-vous que nous revenions, Armand Tallier, à ce jeune homme dont il était question tout à l'heure, que vous avez rencontré avenue Montaigne? Eh bien, c'était René Clair. Il avait ce petit air désabusé, un peu canaille, qu'il a d'ailleurs toujours gardé. Et il s'avance vers moi et me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui réponds, « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Alors il me dit, avec toujours ce petit air canaille, il me dit, « Je la cherche. » »« Tu la cherches ? » ?»« Qui donc ?»« La combine. » »« Ah. » Eh bien, moi, lui dis, « Je crois que je l'ai trouvée. » Et je lui explique tout de suite qu'on m'a signalé dans une rue du quartier latin une petite salle où l'on pourrait donner des spectacles intéressants. Et il ne me reste plus qu'à chercher à trouver des fonds. Ma camarade Mirga, avec qui je compte m'associer, possède une camionnette. Et il me reste quelques billets et reliquats d'une tournée en Afrique, certains bibelots dont on peut tirer un peu d'argent au Mont-de-Piété, et ma foi, pour le reste, des billets à payer en 5 ans, c'est-à-dire le temps de voir venir largement. Et qu'a dit René Clair? Eh bien, René Clair a écouté avec intérêt ce que je lui disais, et je lui ai alors demandé, veux-tu t'associer avec moi? Alors il n'a pas répondu. Il a réfléchi, car il est tout de même plus raisonnable que nous-mêmes. Et qu'est-ce que tu montreras dans ton guignol? À mon tour de réfléchir. Bah, je ne sais pas, moi, nous montrerons autre chose. Autre chose de ce qu'on ne voit pas ailleurs. Oui, mais encore. Eh bien, je ne sais pas, moi, tes films, par exemple, ou ceux que tu feras. D'autres, ceux de Léger, des films de jeunes qui doivent dormir dans des cartons. Alors, et a-t-il eu confiance dans cette entreprise future? Pour une fois, j'ai vu René Clair prendre un air grave. Et il ne m'a pas dissimulé sa façon de penser. « Tu es foutu, m'a-t-il dit. Vous êtes foutu. » Un peu vexé, je lui réponds, « N'en parlons plus. » Et nous n'en avons plus parlé. Heureusement, nous n'en avons plus parlé, car je l'ai pensé souvent, « Voyez-vous, René Clair, convaincu par mes arguments, prenant au sérieux son métier d'exploitant, qui est d'ailleurs quelquefois attachant, et abandonnant la caméra. Pas de chapeau de paille d'Italie, pas de millions, 10 chefs-d'œuvre perdus pour le cinéma français. En somme, une catastrophe. Voyez-vous, n'avoir pas réussi à convaincre René Clair d'abandonner une carrière ingrate, voilà sans doute le plus grand service que nous aurons rendu au 7e art. Et quelques mois plus tard, Armand Tallier et Laurence Mirga, qui avaient été sa partenaire dans le Jocelyn de Léon Poirier, ouvrent le studio des Ursulines. Le moment est favorable à toute entreprise originale et hardie. Le surréalisme est au plus fort de sa virulence. Les échos du Saint-Louis Blues et des nuits de la rue Boissy-d'Anglas au Bœuf sur le toit de Moïse s'éteignent. L'époque du Gaïa et du groupe des Six se survit. Cette époque, comme l'a dit Léon-Paul Fargue, où, au-dessus de ce bouillonnement de trouvailles, de sonates, de sauces anglaises et d'adultères rapides, s'élevait le petit soleil de la gloire d'Apollinaire. Il faut trouver autre chose pour cristalliser les passions et fixer le prurit artistique des snobs et des artistes eux-mêmes. C'est le cinéma qui va donner la vie et le mouvement à l'œil cacodilate. Le 21 janvier 1926 à 21h, c'est le grand soir pour la rue des Ursulines. Tallier et Mirga ont répandu leur manifeste dans tout le quartier latin. Il y est dit entre autres « Nous nous proposons de recruter notre public parmi l'élite des écrivains, des artistes, des intellectuels du quartier latin et parmi ceux, de plus en plus nombreux, que l'indigence de certains spectacles éloigne des salles de projection. Notre programme sera composé de films français ou étrangers, de goûts, de tendances et d'écoles diverses. Tout ce qui représente une originalité, une valeur, un effort, trouvera place sur notre écran. » Le premier programme du studio des Ursulines comprend 5 minutes de cinéma d'avant-guerre, celle de 14, bien entendu. Les robes entravées, la jupe culotte et les chapeaux à baldaquin des élégantes filmées au bois pour les actualités déchaînent la salle. Pour compléter ce voyage au pays de l'avant-guerre, un drame violemment sentimental et psychologique de Léon Spéret, intitulé « Mimosa, la dernière grisette ». À la fin, l'héroïne, fortement maquillée au charbon, meurt dans des coussins de mimosa et part autour d'elle et dans les bras de son amant repentant. Nouveau succès, écrit d'animaux. Puis 5 minutes de cinéma d'avant-garde avec Entracte de René Clair, qui n'a encore jamais été projeté en public depuis la présentation des ballets suédois au Théâtre des Champs-Élysées. Enfin, un grand film viennois d'un metteur en scène inconnu, G.W. Pabst, intitulé La rue sans joie. On dit que l'ouvrage est bon et qu'une jeune comédienne suédoise, qui a déjà tourné plusieurs films dans son pays, s'y révèle et qu'elle sera demain une grande vedette. Cette jeune artiste s'appelle Greta Garbo. Dès 9h, la salle est comble, formée de ce public rive gauche recruté aux quatre coins cardinaux de la Terre et qu'Alexandre Arnoux a si pittoresquement décrit de la façon suivante dans son livre « Du muet au parlant ». Salle charmante, exiguë, incommode, qui n'a de moderne qu'un bar, car le bar est le symbole du présent. Elle a trouvé sa voie dans le cinéma d'avant-garde et son public dans cette sorte de parc ethnographique qui s'étend de son seuil au jockey et à la rotonde. On y voit de l'homme blond à lunettes, du brun à pattes de cheveux qui descendent le long des joues, du jaune anguleux et précieux, du cow-boy à foulard, de l'hindou à turban, de l'anglais sans chapeau, du juif polonais à casquette, de l'australien aux grandes jambes, du scandinave à l'échine longue, du turc trapu, du prince caucasien en espadrille, de la gitane en châle à fleurs, du modèle gras pour cubiste, du modèle maigre pour expressionniste, de la mulâtresse pour peintre de genre, de la femme en perles de la fourrure riche, de l'imperméable, de l'américaine dont le type oscille de l'iroquoise à la carteronne, de la puritaine au portrait français du XVIIIe siècle, sans compter les bretons, les provençaux et les auvergnats qui apportent à Paris leur génie régional et dilapident en tubes de couleur les sardines, les olives ou les marrons paternels. Il ne manque même pas, personnage paradoxal, exotique, le bourgeois du quartier accompagné de sa dame en corsage de satin et de sa demoiselle qui suce un esquimau à l'entracte. L'orchestre, excellent, joue des blues sur les thèmes de Péléas, des Charleston tirés de la Valkyrie et les dernières productions de l'école d'Arcueil qui débarquent ici tout droit, sans manipulation qui les retarde, par la ligne de saut. La fumée des cigarettes sans l'opium et le foin en poudre, la Virginie et le harem. Tout Montparnasse, le Saint-Germain-des-Prés de l'époque, est là. Voici André Breton, Philippe Heria, Fernand Léger, Henri Chaumette, son frère, René Clair, Alexandre Arnoux, Galtier-Boissière, Maneret, et M. Anatole de Monzy, alors ministre de l'Instruction publique, mais qui, ami d'Armentalier, a promis de venir à titre privé. Mais comme il ne sait pas très bien où se trouve cette petite rue perdue aux confins du quartier latin, on lui a promis d'aller le chercher jusqu'au bout de la rue Gay-Lussac, à la gare du chemin de fer de Sceaux. Les deux envoyés d'Armentalier portent des lanternes vénitiennes allumées, accrochées au bout d'une perche. Et c'est au milieu de cette retraite au flambeau en miniature, en avance de 6 mois sur le 14 juillet, que Monsieur le ministre fait son entrée rue des Ursulines, où d'ailleurs Jean Galtier-Boissière, qui occupe sa loge, ne veut rien entendre pour céder sa place et déclare à l'ouvreuse venue pour le déloger « Le ministre, c'est moi ». Le spectacle commence. Sur l'écran défile pêle-mêle la femme à barbe, M. Falière, la mode à Longchamp, deux paires du sein volant sur son monoplan en 1913 à 200 km à l'heure. À l'avant-guerre succède l'avant-garde. Voici Entracte de M. René Clair, accompagné par la partition originale d'Éric Satie, mort quelques mois plus tôt. L'entracte dans la salle fait suite à l'entracte sur l'écran. Le film de René Clair déchaîne les passions. Dans le foyer qui sert de bar, il y a les pour et les contre. Les plus acharnés dans la discussion, ce ne sont pas les cinéastes, mais les peintres, les musiciens, les écrivains et quelques journalistes turbulents. Charles de Saint-Cyr, feutre à large bord, cape noire et barbiche de général sudiste, qui dirige la semaine à Paris, hebdomadaire forçage, est le plus tonitruant. Vous qui assistiez à cette première représentation au studio des Ursulines, Madame F. Francis, voulez-vous nous dire ce que vous pensiez du film de René Clair, Entracte ? Entracte de René Clair, que je viens de voir aux Ursulines, m'a sidéré davantage que d'autres films du même esprit, comme Un chien andalou, que l'on devait voir 3 ans plus tard, ou que ce ballet mécanique de Fernand Léger. Car René Clair, lui, à ses débuts, il me semble qu'il voyait le moulin à images propre surtout à la fiction, n'est-ce pas ? Au miracle, à la féerie. Il l'orientait vers le fantastique burlesque. Ah oui, j'ai dans la mémoire des images assez réjouissantes. Ces bateaux en papier qui naviguaient sur une mer de toit. Ces cheminées d'usines qui fumaient comme des volcans. C'était photogénique dans l'absurde. Et les colonnes grecques dansant la sarabande. Et puis cet enterrement aussi, cet enterrement final provoqué par l'éclatement d'un œuf percé d'une balle dans une baraque foraine et qui représentait la mort. Le corbillard, tiré par un chameau, cahotait, tanguait, galopait et soudain chavirait. Du cercueil surgissait un prestidigitateur dont la baguette volatilisait les assistants. C'était vraiment amusant et plutôt déconcertant. Mais René Clair était certes au départ un vrai poète du 7e art. Son goût pour le fantastique lui est resté. Fantôme à vendre et ma femme est une sorcière, le pauvre. Et vous qui étiez à cette époque mêlé à tout le mouvement d'avant-garde cinématographique qui aviez tourné un certain nombre de films d'une esthétique très particulière, est-ce que vous pouvez me dire quelle importance a eu à ce moment-là la création du studio des Ursulines et quelle influence il a pu avoir sur les artistes et sur le cinéma lui-même? Oh, certes, les Ursulines paraissaient une espèce de phare pour les jeunes cinéastes, les apprentis cinéastes de cette époque. Ils y trouvaient un aliment à leur appétit de nouveauté, de virtuosité technique aussi, de poésie, surréaliste quelquefois, mais poésie tout de même. C'est aux Ursulines que l'on s'est aperçu définitivement que la machine qui devait détruire la poésie pouvait devenir poésie entre les mains d'un animateur qui avait une vision poétique des choses les plus simples. Je me souviens très bien du ballet mécanique du peintre Fernand Léger qui apprivoisait la lumière et les ombres en créant une atmosphère insolite et bouleversante. C'était un cher ami d'Apollinaire, vous le savez, qui avait des théories avancées, lui, sur le 7e art. C'est lui qui avait mené ses amis pendant sa permission voir Charlot, le clown génial. Charlot, pendant la guerre, n'était pas encore Charlie Chaplin. Il n'avait pas dépouillé son personnage burlesque, comme il le fit un peu plus tard dans Le Pèlerin, Une idylle au champ ou La ruée vers l'or, là où sa poésie s'était décantée. Enfin, vous vous souvenez des théories d'Apollinaire qui proclamait « On veut de nouveaux sons, de nouveaux sons, de nouveaux sons. On veut des consonnes sans voyelles, des consonnes qui pètent sourdement. Imitez le son de la toupie, disait-il. Servez-vous du bruit de celui qui mange sensibilité. Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne. Habituez-vous à rôter à volonté. Et quelle note grave que le son d'une cloche à travers nos mémoires. Bref, vous pensez si ses amis prenaient toute liberté pour manier les images à leur fantaisie. Mais voici la fin de l'entracte. Les discussions ne s'apaisent pas pour autant, et quand les lumières s'éteignent, la moitié de la salle est debout. L'écran brille, le grand film commence. Après les cartons annonçant le titre, les noms du metteur en scène et des interprètes, apparaît la première image. L'orchestre attaque alors Prélude de l'enfant prodigue de Claude Debussy, qui reviendra en leitmotiv pendant toute la projection. Le succès de la rue Saint-Joie est immédiat et presque unanime. Cette foule, tout à coup privée de ses ferments de dispute, se trouve désarmée. Le boucher Werner Krauss a coupé le souffle à tous les peintres qui, à l'époque, représentent l'élément seigneur de Montparnasse, à tous les musiciens, cinéastes et poètes de l'abstrait. Cette jeune fille, du nom de Greta Garbo, a laissé sans voix les surréalistes eux-mêmes. Voici Philippe Soupeau rêvant à Dada et au premier manifeste de la nouvelle école. Demandons-lui, 25 ans plus tard, quelle était l'opinion du jeune surréaliste d'alors sur le film de Pabst et sur cette demoiselle Greta Garbo. Il y a donc 25 ans que vous avez vu La rue sans joie. Oui, cher ami, ça ne nous rajeunit pas. Non. Et voulez-vous nous dire, Philippe Soupeau, ce que vous pensiez du film de Pabst en ce 21 janvier 1926, qui était le soir de la première? Moi, je ne vous apprends rien en vous disant que ce film vous avait énormément séduit parce que ça représentait quelque chose de tellement nouveau. Avant, nous avions vu des films presque impossibles, des films de Far West, des films extravagants. Et que tout à coup, nous avons découvert une chose, moi qui m'a bouleversés, c'est... nous avons vu le romantisme apparaître sur l'écran. Un romantisme allemand, très... Un romantisme, si vous voulez, à la valise, quelque chose qui représentait tout l'atmosphère de rêve, d'Arnim, enfin, cette espèce d'extraordinaire suggestion que nous n'avions jamais vue avant. Et vous, en tant que surréaliste, vous avez dû être très sensible à cette forme d'expression. Évidemment, vous comprenez que c'est ça qui nous a séduit, cette espèce de chose. Brusquement, une atmosphère nouvelle. Et ça n'existait pas avant dans le cinéma. Le cinéma était brutal. Oui, le cinéma, c'était guignol. C'est là où nous avons compris que Babs avait trouvé une formule nouvelle merveilleuse. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose de tout à fait surprenant dans le film, c'est que c'était une atmosphère très sordide. Et c'est la sordidité de ce film, vous avez fait école. Oui, on en a vu beaucoup. Et puis, ça reflétait quelque chose de tout à fait surprenant, ça reflétait l'époque de l'Allemagne, ça reflétait un âge de l'Allemagne, l'après-guerre. Oui, la période de l'inflation, de la décomposition. Alors, cette espèce de morbidité, il n'y a pas d'autre mot, de l'Allemagne, mais en même temps extrêmement vivante, une morbidité qui évoque des parfums, corrigée par le côté autrichien. Le côté, si vous voulez, de l'agonie lente de l'Autriche, lente sur un rythme de valse. Qui donnait une sorte de légèreté à la décomposition. Vous comprenez, c'était vraiment quelque chose de tout à fait surprenant. Et ça, Babs a très bien compris ça. Je crois qu'on n'a pas retrouvé mieux. Et vous pensez que ça a été un des gros éléments de succès du film à cette époque ? Je suis persuadé, oui, parce que c'était de l'époque. Alors là-dessus se greffe l'apparition de cette femme étonnante qui s'appelle Greta Garbo. Et quelle impression vous a-t-elle faite? Eh bien si, je suis tout à fait exact dans mes souvenirs. Je crois qu'elle m'a fait donner l'impression d'une espèce de fantôme. Voyez-vous, avec le charme du fantôme. Enfin, vous comprenez, supposez que demain vous rentriez chez vous et que vous aperceviez un fantôme. Eh bien, brusquement, nous avons vu apparaître une femme fantôme. Mais tous les personnages de cinéma que vous aviez vus jusqu'alors étaient tout de même aussi des fantômes. Ah non, non, Perlouette n'était pas un fantôme. On ne pouvait pas dire ça, Nazimova n'était pas un fantôme. Elle a été, si vous voulez, l'apparition d'un fantôme, qui n'était pas tellement étrange que féminin. Oui. C'était la femme qui apparaissait. Une femme absolument dépouillée, sans aucun artifice. Et c'est ça qui était merveilleux chez elle. Et c'est ça où elle était touchante. Elle n'avait même pas ce qu'on a appelé à plus tard du sex appeal. Et ce côté fantomatique a dû aussi vous toucher beaucoup, vous, dans les théories littéraires. Vous comprenez, elle correspondait, si vous voulez, à nos préoccupations féminines, si je puis dire. Nous, poètes surréalistes, nous cherchions, évidemment, cette femme fantôme. C'était la femme, si vous voulez, qui aurait pu être une apparition dans les champs de Maldoror. Qui aurait pu même être, si vous voulez, ce que Rimbaud désirait. Oui. Quelque chose, vous comprenez, elle correspondait à la sentimentalité, si je puis m'exprimer ainsi, de cette époque-là. Non mais alors, il ne faut pas que nous exagérions. Mais quand même, elle n'a jamais été dépassée dans ce domaine. Vous n'avez jamais retrouvé une femme comme ça. On n'en a pas retrouvé. C'est pour ça qu'elle nous a paru exceptionnelle. Et elle l'est restée. Je crois que c'est un phénomène unique dans le cinéma. Mais il y avait deux choses, par exemple, qui m'ont frappé. Ça, je veux vous signaler qu'elle me paraissait très émouvante. Parce que quand elle ouvrait la bouche, elle n'entendait rien. Naturellement. Mais quand même, sa voix virtuelle. Oui. Elle était déjà une promesse. Bon, alors que les autres actrices ou acteurs au cinéma, quand ils parlaient, c'était un peu grotesque. Mmh. Elle, non. C'était une voix silencieuse. Puisque vous me demandez mes souvenirs, il y a tout de même une chose que je dois dire, c'est qu'elle ne montrait jamais ni ses pieds, ni ses mains. Nous les cherchions, parce que vous comprenez quand même, je ne suis pas un descendant de rétif de la Bretonne, du moins littérairement, sans me préoccuper des pieds des femmes et des mains des femmes. Et ça vous inquiétait beaucoup. Ah oui, parce qu'on voulait voir ses mains. Et je me rappelle, je suis retourné plusieurs fois voir la rue Saint-Joie. Je cherchais toujours les mains et les pieds de Greta Garbo. Il y avait un mystère de plus. À quelques pas de là, l'acteur Philippe Heria. Il ne semble pas se douter qu'il sera un jour académicien Goncourt. Et voici Fernand Léger. Passons allègrement avec ce pouvoir que nous donneront bientôt les fées du voyage imaginaire de 1926 à 1952. Il y a 25 ans, monsieur Fernand Léger, que cette première aux Ursulines a eu lieu. Voulez-vous nous dire aujourd'hui quelles ont été vos impressions sur l'atmosphère de la salle, sur ce public qui était venu voir ces films inhabituels? Oui, écoutez, je me rappelle de cette cérémonie, parce que c'en était vraiment une, n'est-ce pas? La rue Sans-Joie et Entracte, c'était vraiment moi qui venais de terminer quelques mois avant le ballet mécanique. On pensait tous à un terrain de bataille, de compréhension dans tous les sens. Et vraiment, les Ursulines arrivent à point. Et cette soirée d'ouverture était vraiment étonnante, vu toutes les personnalités qui étaient là. À l'entracte, à la sortie, c'était des discussions énormes, mordantes. Des uns disaient « c'est idiot », d'autres disaient « mais c'est magnifique, voilà où on te voit, voilà la porte qui devait s'ouvrir, n'est-ce pas ?» Et je suis de cet avis. On avait besoin d'une porte, et derrière la porte d'une installation qui nous permette, nous, de pousser nos cris contre, si vous voulez, contre le film à vedette, contre le... Les Ursulines, en somme, ont eu une influence énorme et qui a débordé le cadre du cinéma. C'est-à-dire que, comme vous le dites, les peintres, les musiciens, les décorateurs ont certainement trouvé là une influence. Mais naturellement, ça nous a consolidé. On a besoin d'un point fixe pour certaines choses. Il me faut l'atelier pour peindre. Eh bien, pour travailler au cinéma, on avait les Ursulines. On y a été projeté plus ou moins, ou pas du tout, mais ça se passait là. Et le fait que, dans le monde, on a appris qu'il y avait à Paris, n'est-ce pas, un studio où on pouvait projeter tout ce qu'on voulait, c'était étonnant, n'est-ce pas. Les Ursulines sont dans notre époque héroïque cinématographique. Ils démarrent l'époque surréaliste, oui. L'époque cubiste à ses films, l'époque surréaliste à ses films, et ça s'arrête à peu près là. D'ailleurs, après nous, après le surréalisme, il n'y a pas vraiment une grande époque plastique, comprenez-vous? À ce moment-là, enfin, il est certain que les peintres se sont beaucoup intéressés au cinéma. Ah, mais naturellement. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, non, le cinéma joue un très petit rôle dans leur inspiration et dans leur forme d'expression. Oui. Il y a naturellement, il y a le dessin animé qui est une chose très importante. Mais quoiqu'à un certain moment, j'ai eu l'idée d'en faire aussi, mais on ne peut pas tout faire. Il n'y a vraiment pas de grand nom, de la peinture, même de la musique, dans le dessin animé. Moi, si j'ai fait le ballet mécanique, c'est parce que je voulais voir... à cette époque-là, n'est-ce pas, je faisais des objets dans mes tableaux. On avait quitté le sujet. Je faisais des objets. J'ai voulu contrôler la valeur de ces objets et de ces fragments d'objets à l'écran. Voilà l'origine de mon film. Quand j'ai eu projeté ces objets, un chapeau de paille qui est nul sur la table, mais qui est valable lorsqu'il se met à bouger, n'est-ce pas? Oui. J'ai compris l'importance énorme du cinéma dans notre domaine. L'objet en mouvement. Simplement les objets les plus banals. Un chapeau, une bouteille, un fragment de casserole. La casserole est nulle, elle bouge, elle est valable. Le silence est revenu dans la paisible rue des Ursulines, ce silence du siècle des couvents de Sœur Louise de la Miséricorde et de la Beste des Feuillantines. Mais les échos des discussions esthétiques ont trouvé là des murs propices à leur chuchotement répercuté. Depuis cette soirée du 21 janvier, les voisins ont cessé de dormir tranquilles. Le studio des Ursulines est entré dans l'histoire de Paris. La rue Sans-Joie tient l'affiche pendant 2 mois, ce qui est à l'époque un succès sensationnel. Au film de Pape succède Le Voyage imaginaire de René Clair, accompagné des rituels 5 minutes de cinéma d'avant-guerre et d'avant-garde. Dans les programmes qui suivent, on verra ainsi Les Jeux des reflets et de la vitesse et 5 minutes de cinéma pur d'Henri Chaumette, Le ballet mécanique de Fernand Léger, Un film absolu de Walter Ruttmann, qui n'est pas encore l'auteur de La mélodie du monde, Aymack Bakia de Man Ray, Fait divers d'un jeune metteur en scène élevé moitié dans les coulisses du théâtre français auquel appartient sa mère, moitié dans ce salon de la rue Le Pic où naquit art et action, Claude Autant Lara, Nogent, Eldorado du dimanche, premier essai cinématographique d'un jeune journaliste, Marcel Carné. Puisque vous avez bien voulu venir évoquer quelques souvenirs de cette époque, Marcel Carné, voulez-vous nous dire comment vous avez été amené à tourner votre premier film, Nogent, Eldorado du dimanche? J'avais acheté avec un camarade une petite caméra, un Kinamo, et j'ai fait Nogent en tant que metteur en scène, opérateur, monteur, mais aussi producteur et financier. Le soir de la première, comment a été le public? Quel a été l'accueil? Eh bien, je dois dire que je craignais naturellement la réaction du public des Ursulines, composé en grande partie d'étudiants du quartier latin, un peu chahuteurs. Je me souvenais des séances assez houleuses qui s'étaient produites devant certains films, et je craignais surtout moins peut-être une réaction violente que une indifférence totale, parce que je dois dire que le film que j'avais tourné était un peu en réaction contre les films d'alors. Oui, c'est curieux, la plupart des jeunes auteurs, des jeunes cinéastes qui débutaient, qui faisaient un premier film, faisaient surtout des films d'avant-garde, comme on disait, des films abstraits, des films de cinéma pur. Or, Nos gens et le Dorado du dimanche est un film qui n'a rien de difficile et d'abstrait. Non, c'est si vous voulez, un petit film sentimental, un petit film fleur bleue, qui compte les dimanches des Parisiens sur les bords de la Marne, et encore une fois, qui n'a d'autre prétention que d'être un peu sensible et de restituer une atmosphère, somme toute assez jolie et assez touchante. C'est-à-dire qu'en somme, vous souhaitiez à ce moment-là réagir contre un certain esthétisme qui se manifestait au cinéma. Écoutez, je ne sais pas si c'était à vrai dire une réaction. Toujours est-il que c'est le genre de film qui me plaisait. Je me sentais très peu attiré précisément par le genre de film abstrait, des reflets, des acrobaties d'appareils. La salle des Ursulines représentait, je crois, pour les jeunes auteurs, une consécration, et on était très honoré de sortir dans cette salle. Ah oui, ça, évidemment. On était, et c'est pourquoi je n'osais pas, je n'y comptais pas trop. Les Ursulines, c'était davantage, si vous voulez, un cinéma d'essai. Italier était une sorte de prospecteur. Et si aujourd'hui nous n'avons pratiquement plus de salles, ou très peu de salles de cette sorte, est-ce que vous pensez que c'est parce que le public n'a plus le goût de ces films de recherche, ou bien parce qu'il n'y a plus de films de recherche? Les conditions économiques actuelles font qu'il devient très difficile pour un jeune de réaliser un film de recherche. Mais il est évident qu'au temps du muet, nous étions avantagés parce que les films coûtaient infiniment moins cher qu'aujourd'hui. C'est ainsi que nous avons fait, ce camarade et moi, nous avons fait Nos gens pour la somme de 4500 francs. On cueille comme une fleur sous les toits de Paris le bonheur. Parmi les longs métrages, les œuvres les plus marquantes sont l'admirable Grid de Stroheim, présenté sous le titre Les Rapaces, Musumé, la première bande japonaise importée en France, Le Mystère d'une âme de Pabst, premier film sur la psychanalyse, La tragédie de la rue, Asta Nielsen fait courir tout Paris. La soirée la plus mémorable et la plus dramatique de cette période qui précède le film parlant est la première de La coquille et le clergyman. Le film de Germaine Dulac s'inspire d'un scénario d'Antonin Artaud, lequel est alors au plus mal avec le groupe surréaliste. La séance s'annonce orageuse. Depuis quelques jours, le bruit s'est répandu dans Paris que Germaine Dulac et Artaud seraient fusillés sur l'écran à coups de siphon et de bouteilles d'encre. Dans l'après-midi, une jeune américaine, excitée par ces rumeurs alléchantes, téléphone aux Ursulines et demande, avec un fort accent de New York, si l'on donne bien ce soir le curé et le crustacé. Mais demandant plutôt à Armand Tallier, qui s'efforce ce soir-là, seul contre 300, de ramener le calme dans la salle, de nous raconter cette inoubliable soirée. Eh bien, bien avant le début du spectacle, la salle était pleine. Elle était pleine de spectateurs qui affectaient une indifférence qui m'inquiétait déjà pas mal. J'avais été prévenu que des incidents étaient possibles en raison d'un litige d'ordre esthétique entre Madame Dulac, Antonin Artaud et un groupe de surréalistes. Et j'avoue que je ne voyais pas sans inquiétude les larges épaules de Breton trônant au milieu de ses disciples, Aragon, Robert Desnos, Sadoul et une douzaine d'autres qui m'avaient l'air parfaitement décidés. Un premier incident s'était produit avant le début du spectacle. Un spectateur assis sur un strapontin, il y avait beaucoup de strapontins aux Ursulines. Les mauvaises langues disaient même qu'il y avait plus de strapontins que de fauteuils. C'est exact, mais il y avait évidemment beaucoup plus de strapontins que de colonnes. On se plaignait d'ailleurs beaucoup des colonnes. Les dites colonnes existent d'ailleurs toujours. Donc un spectateur assis sur un strapontin avait tiré de sa poche un sifflet. Et avant même que le spectacle fût commencé, il assourdissait ses voisins. Je m'approchai de lui et je lui dis que nous étions très satisfaits lorsque les spectateurs manifestaient leurs sentiments, mais que vraiment je ne comprenais pas pourquoi ils sifflaient avant le début du spectacle. Alors il se retourne vers moi et il me dit « Monsieur, je siffle parce que j'ai horreur du cinéma ». À ce moment-là, l'Union sacrée règne dans la salle, surréaliste, antisurréaliste, tout le monde se précipite sur cet individu, que l'on malmène un peu, et qui se trouve quelques minutes après dans la rue des Ursulines contre une charrette de foin. D'ailleurs, il y avait toujours une charrette de foin à la porte des Ursulines. Il faisait partie du décor. Ah, il faisait partie du décor, c'était une sorte de nécessité. Et, enfin, tout ça représente de petits incidents qui ne sortaient pas du train-train habituel. C'est seulement à partir du moment où le titre apparut, La coquille et le clergyman. À ce moment-là, Breton se lève. Breton se lève, et d'un ton parfaitement courtois d'ailleurs, déclare « J'ai à dire que Madame Dulac est une... » À ce moment-là, j'aurais mis un vacarme affreux. Charles de Saint-Cyr, dans son Macfarlane noir, se lève, crie « Je ne tolérerai pas qu'on injurie une femme devant moi. L'homme qui injurie une femme est un lâche. » Des jeunes gens qui sont dans la salle crient « Au cimetière, tu n'es qu'une vieille noix. » La bagarre se répand. Non seulement on ne se bat plus dans la salle parce qu'on manquait tout de même un peu d'aise, mais on se répand dans le bar, où l'on pouvait mieux ajuster ses directs, où l'on pouvait mieux calculer ses coups de pied derrière. Enfin, le vacarme se prolonge pendant 45 minutes et l'on voit alors nos amis Philippe Héria, Chaumette, René Clair, Alexandre Arnoux allant de l'un à l'autre, essayant d'apaiser tous ces conflits et finalement découragés, assister à la bagarre et s'en désintéressant un peu jusqu'au moment où les surréalistes, eux-mêmes excédés, ont quitté la salle et le combat finit faute de combattants. Mais je crois qu'à la suite de ces incidents, vous avez reçu le lendemain une lettre assez curieuse d'André Breton. Oui, je me souviens, j'ai en effet reçu une lettre qui était maculée d'une énorme tache de sang. Le groupe surréaliste avait, je crois, un papier dans ce genre-là. Cette lettre me félicitait de ma patience, de mon bon vouloir, et me disait qu'il n'y avait pas d'exemple qu'un directeur de cinéma ait supporté de tels excès, de telles bagarres, sans faire appel à la police. Que le groupe surréaliste m'était particulièrement reconnaissant de ma façon d'agir en la circonstance. De ne pas les avoir fait expulser par la force publique. Mais n'avez-vous pas eu de temps en temps des ennuis avec la police à la suite d'incidents? C'est-à-dire qu'au début, la salle était souvent peuplée de monsieur à grosses moustaches et à semelles lourdes qui observaient un peu ce qui se passait, inquiets, qui demandaient s'il ne se passait rien d'étrange au second ou au premier étage, si le spectacle se terminait normalement, interrogeant les ouvreuses. Mais au bout de très peu de temps, ils se sont rendus compte que notre commerce était parfaitement licite et qu'il ne se passait rien d'anormal. Non, les ennuis que j'ai eus particulièrement, c'est avec la censure. Ah, nous étions des enfants terribles pour la censure. Et je me souviens très bien que le jour de la première, devant le ministre de Monzy, dont vous avez parlé tout à l'heure, la censure ayant exigé que nous coupions un certain nombre de scènes de la rue Saint-Joie, non seulement nous n'avions pas coupé ces scènes, mais nous avions fait confectionner un titre qui disait ceci. Les scènes que vous allez voir ont été coupées par ordre de la censure. C'était de la provocation, il fallait être très jeune, nous l'étions encore assez, pour faire de pareilles fantaisies. Il n'en demeure pas moins qu'en sortant, de Monzy nous a copieusement engueulé, passez-moi l'expression, et nous a dit qu'il n'y avait pas d'exemple qu'on se fiche aussi ouvertement des pouvoirs publics. Après ces nuits pendant lesquelles les habitants de la rue des Ursulines ne peuvent fermer l'œil avant 3h du matin, le quartier retrouve un peu de paix. Pour le repos des Parisiens de la montagne Sainte-Geneviève, Jam Cruise a tourné Jazz, Jean Epstein 6,5-11, Franck Borsage La femme au corbeau, où la troublante Marie Duncan enflamme tous les potages du boule-miche et même leurs aînés. Et puis voici Une fille dans chaque port, de Howard Hawks. La ronde et dure petite Louise Brooks, avec le géant Mac Laglen, balaye l'esthétisme qui a jusque-là régné sur l'écran des Ursulines et y installe le réalisme poétique de quelques Mac Orlans américains. Au même programme, La Zone, le premier film d'un jeune metteur en scène français qui est depuis 4 ans l'assistant de René Clair, Georges Lacombe. L'avant-garde n'est cependant pas bannie des Ursulines et à côté de La Zone, voici L'Étoile de mer de Man Ray, d'après un poème de Robert Desnos. Les déformations photographiques et les audaces comblent d'aise les uns et indignent les autres. L'Étoile de mer est accompagnée par la musique la moins avant-garde qui soit. Fidèle à l'esprit de provocation et à l'anticonformisme de la salle, Armand Tallier fait jouer à ses musiciens une jolie rengaine de l'époque, Ramona, qui fait les beaux soirs du Casino de Paris. Mais c'est pour Solitude que fut réalisée une véritable synchronisation entre l'orchestre et l'écran. Voici dans la foule d'un dimanche new-yorkais, Barbara Kent et Glenn Tryon qui se rencontrent. Ils se perdent. À l'ultime minute, ils se retrouvent. Leur désespoir et leur bonheur sont bercés par une ravissante romance américaine, Always, qui, pour les spectateurs des Ursulines, reste à tout jamais lié au film de Féjos, aussi inséparable de ces images que si, le cinéma étant déjà sonore, elle en avait été la partie musicale inarrachable. À la sortie de Solitude, Alexandre Arnoux, débordant d'enthousiasme, dit à Tallier « Mon cher, si les deux amoureux ne s'étaient pas retrouvés à la fin, je cassais mon fauteuil. » Fin 1929. Al Jolson et Sonny Boy pointent à l'horizon et s'installent sur les boulevards à l'Aubert Palace, la première salle de Paris équipée avec les nouveaux appareils de reproduction sonore. Aux Ursulines, où l'on n'est jamais en retard d'une innovation, passe sur un écran muet l'un des premiers films sonores arrivés d'Hollywood, Terreur, drame d'épouvante dans le style de Paul Leni, où l'on voit, sans l'entendre, un crapaud jouer de l'orgue dans un souterrain. Tant que le cinéma était muet, personne ne s'était avisé que la parole lui manquât. Mais le jour même où l'on projetait sur un écran silencieux un film sonore, alors que les bruits, la parole et cette musique souterraine étaient là, dans la boîte de pellicule, on le savait, et qu'on ne les entendait pas, alors ce silence devenait intolérable, puisqu'il n'était plus vrai. Armand Tallier avait bien préparé son monde. Et dès 1930, le studio des Ursulines, équipé pour la projection sonore, ouvrait ses portes en mettant à son affiche l'ange bleu. C'est dans cette petite salle où avait été révélée aux Parisiens Greta Garbo qu'allait naître, 4 ans plus tard, Marlène Dietrich, autre phénomène et monstre sacré du cinéma. Le succès de L'Ange Bleu est encore plus éclatant que celui de la rue Sans-Joie. En une soirée, les jambes et la voix rauque de Lola Lola bouleversent Paris. Sa silhouette, long bas noir, corselet, haute forme sur l'oreille, s'étale bientôt sur tous les murs. Et la fameuse chanson « Je suis faite pour l'amour » apporte jusque dans les bars aux lumières tamisées le manifeste d'un néo-romantisme naissant. Sie möchten sich verschwenden, sie haben nie genug. Ihr werdet mir verzeihen, ihr müsst es halb verstehen. Es lockt mich stets von Neuem. Ich finde es so schön. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, und was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. L'Ange Bleu pulvérise leur corps de durée aux Ursulines. Pendant 14 mois, tous les après-midi et tous les soirs, Marlène, à califourchon sur sa chaise, entonne la chanson de Hellender. Et le professeur Unrat lance son pitoyable cocorico. Pour succéder au drame de Sternberg, Tallier a la chance de trouver un autre film qui sera le chef-d'œuvre de son auteur, l'Opéra de 4 sous, de Pabst. Lola Lola est remplacée par La fiancée du pirate et Margot Lyon remporte un succès considérable en chantant la musique de Kurt Weill. Aux côtés d'Albert Préjean qui joue le rôle de Maquis dans le Bégaz Opéra, on découvre une nouvelle vedette déjà célèbre au music hall, Florel. Simplement sans baisser les yeux, j'ai dit non, toute tranquille. Lune, pourquoi briller sur la ville? Et toi, bateau, danser sur les flots bleus. Mon cœur est silencieux. Le joueur d'orgue de Barbarie, qui commente l'action et émet des aphorismes philosophiques en tournant la manivelle de sa boîte à musique, a été utilisé souvent depuis par les auteurs de films, mais celui de l'opéra de Katsu reste inoubliable. Une houle dans la foule, une boule qu'on se polie dans un autre. L'on éventre, quelqu'un entre, c'est maquis. Cambriole, l'or s'envole, on s'affole, frénésie. Vie de poche et sacoche, on s'approche, c'est maquis. Et voici le navire de haut bord, interprété par Margot Lyon. Margot Lyon, qui quelques années plus tôt était à Berlin la vedette d'une revue de music hall dont l'une des petites femmes s'appelait Marlène Dietrich. Oui, c'est moi qui lave tous les verres et les plats. On m'appelle une Marie, couche-toi là. Quand on me donne un penny, faut encore que je dise merci. Me v'là en habit locteur au fond de cet hôtel miteux. Et demain, demain comme aujourd'hui, vous ne saurez toujours pas qui je suis. Mais un soir, un beau soir, grand branle-bas, les gens courent tous à la rive, disant voyez qui arrive. Et moi, je sourirai pour la première fois. On dira voilà que tu souris, toi. Un navire de haut bord, sans canons au sabord, entrera dans le port. Moi toujours je laverai les verres et les plats, je serai toujours une Marie, couche-toi là. Quand on me donnera un penny, toujours je dirai merci. Je garderai mes habits locteux au fond de cet hôtel miteux. Et demain, demain comme aujourd'hui, vous ne saurez toujours pas qui je suis. Mais un soir, ce beau soir pour qui je vis, voilà que les 100 canons s'éveilleront et tonneront. Pour la première fois, j'éclaterai de rire. Quoi, méchante, t'as le cœur à rire? Le navire de haut bord, sans canons au sabord, bombardera le port. Alors viendront à terre les matelots, plus de 100, ils marqueront d'une croix de sang. Chaque maison, chaque porte, et c'est devant moi qu'on apporte, enchaînés, implorants, mutilés et saignés, vos pareils, beaux messieurs. Vos pareils, beaux messieurs. Alors, paraîtra celui que j'attends. Il me dira, qui veux-tu, de tous ces gens que je tue? Et moi, je répondrai doucement, tous. À chaque tête qui tombera, je crierai, hop là. Le navire de haut bord, loin de la ville où tout sera mort, m'emportera vers la vie. Avec le film parlant, le cinéma s'est transformé non seulement esthétiquement, mais socialement. L'esprit de recherche qui se manifestait au temps du muet se perd. C'est grâce à cette mort de l'avant-garde que les habitants de la rue des Ursulines peuvent enfin retrouver le sommeil. À partir de 1935, le directeur des Ursulines s'efforce de passer les meilleurs films possibles, entre autres New York-Miami, premier échantillon de ce genre qui va être florissant, la comédie américaine d'avant-guerre. Mais les batailles de la coquille et le clergyman et d'entracte sont bien finies. En 1935, la salle adopte le principe des spectacles de répertoire avec programme alterné, mais revient à sa première formule dès la fin de la guerre. On retrouve sur l'écran de la rue des Ursulines l'auteur de Vampire et de la Passion de Jeanne d'Arc, Dreyer, avec Jour de colère. Puis Orson Welles y montre son Citizen Kane, Steinbeck, Tortilla Flat, Carol Reed, 8 heures de sursis, Schauberg, Le chemin du ciel. Récemment, un spectacle complet de films courts renoue avec la tradition des 5 minutes d'avant-garde et des 5 minutes d'avant-guerre. Il faut maintenant, dans le sous-titre, préciser l'autre. Mais l'avant-garde étant inexistante, on doit aller retirer de son blocos le bon vieux film de Man Ray, L'étoile de mer, qui, 25 ans après sa réalisation, remplit encore fort bien son office. Il s'ajoute à L'étoile de mer aujourd'hui un élément dramatique imprévu, voir sur l'écran un Robert Desnos vivant, image pathétique du poète assassiné. L'étoile de mer vient donc d'être repris sur l'écran de la salle des Ursulines. Voulez-vous nous dire, Man Ray, quelles sont vos impressions en revoyant ce film aujourd'hui, ce film que vous avez tourné il y a 25 ans? J'ai souvent vu ce film depuis. On l'a donné en Amérique aussi bien qu'ici. Et chaque fois, je dois dire, je suis très ému en voyant le film. Pas à cause des qualités qu'il peut contenir, mais à cause des souvenirs qu'il me rappelle. Basé sur un poème de Robert Desnos, qui m'a donné la première envie de faire un film, j'avais d'abord refusé. Quand on m'avait proposé de faire un film, j'ai dit, mais je m'intéresse seulement à des valeurs permanentes. Je vais rester dans mon petit coin de studio en faisant la peinture, une photographie de temps en temps. Et ce sont des choses qui durent, qui restent accrochées au mur. On peut le regarder ou pas regarder. Mais ce sont des choses permanentes. Le film, il faut changer tout le temps. Il faut se déplacer, il faut être nombreuses pour le voir. C'est trop compliqué pour moi. Mais un soir, quand j'étais avec Robert Desnos, il devrait partir pour un voyage, et il m'a lu son dernier poème. C'était rien que des images. Un jeune homme qui rencontre une femme, une vendeuse de journaux. Elle amène avec elle, en portant un bocal avec une étoile de mer dedans. C'était un peu surréaliste, l'histoire, parce que l'étoile de mer était ni symbolique, fantastique. C'était placé entre ses mains comme on plaçait un paquet de journaux. Et j'ai tourné ce film au moment où on faisait encore des films muets, et c'était à la portée de la main de n'importe qui disposait d'un appareil quelques mètres de pellicule. C'est devenu après, on appelait ça un film d'avant-garde. Moi, je n'ai pas pensé spécialement de faire un film d'avant-garde. Je voulais réaliser le poème de Robert Desnos. Je lui disais que j'allais illustrer toutes les images qui se trouvaient dans son poème. Et c'est ça que je fais. Je tournais ça avec des amis que j'ai prié de jouer avec moi. Et surtout, je leur ai dit de ne pas essayer de faire des bons acteurs. Vous voyez que vous n'avez pas été déçu, puisque vous vouliez faire une œuvre permanente et que L'étoile de mer, 25 ans plus tard, est encore repris dans les salles et joué encore très souvent en Amérique. Vous venez de passer 10 ans en Amérique. Vous l'avez revu, je crois, en Californie assez souvent. Oh, partout, oui, dans toutes les salles spécialisées où on reprend tous les anciens films, on a toujours donné ce film. Une chose très curieuse à l'époque, n'est-ce pas, malgré cet effet comme film muet, j'ai envisagé un accompagnement musical pour ce film. J'ai insisté sur le son. Je n'étais pas ce qu'on appelle un puriste pour le cinéma. J'ai envisagé un son, j'ai trouvé ça indispensable. Alors j'ai choisi des disques, des tangos, des chansons populaires, ou même un morceau de musique moderne de Milo, Stravinsky. Puisque, tout de même, 25 ans plus tard, on est allé rechercher l'étoile de mer, cela semble indiquer qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'avant-garde au cinéma. Comment expliquez-vous cette mort de cet esprit de recherche qu'avaient les jeunes gens au temps du muet? Est-ce que c'est simplement une question d'argent, une question de moyens financiers, ou est-ce que le goût de l'invention et de la recherche est perdu? Ah, c'est uniquement une question économique, d'argent, parce que je connais beaucoup de gens, de jeunes gens qui se passionnent pour le cinéma et qui voudraient faire eux-mêmes des films soi-disant avant-garde. Depuis l'Étoile de mer, est-ce que vous avez tourné d'autres films? Ah, pas du tout. Jamais. Malgré que j'ai habité 10 ans en Californie, à Hollywood même, et je connaissais les studios, j'étais souvent invité par les metteurs en scène, des producteurs, mais il n'avait pas question que je travaille à Hollywood, parce que mes idées n'étaient pas du tout faites à la manière pour plaire aux mécènes à Hollywood. Et puis les moyens de production, les méthodes de travail sont très différentes. Je pense qu'il doit être à peu près impossible à quelqu'un qui a l'intention de faire un film presque tout seul, ou enfin de s'exprimer, il doit être très difficile de faire quelque chose avec les méthodes de travail de Hollywood. Je ne crois pas. Je crois que je pourrais me servir de toute la technique d'Hollywood, la couleur, le caméra, les laboratoires. Si je mettais ça entre mes mains pendant un mois, je bouleverserais les choses un peu, sans doute, mais je n'abîmerais rien du tout. Et je suis sûr, je ne perdrais pas plus d'argent qu'ils perdent. Les fantômes de Madame L'Huillier, de Sœur Louise de la Miséricorde et ceux de toutes les nonnes qui, il y a 3 siècles, peuplaient les couvents de cette campagne parisienne, ont-ils retrouvé les chemins de leur vie terrestre? Ils peuvent de nouveau hanter la rue des Ursulines, la rue Gay-Lussac et les vieilles pierres de leurs cloîtres écroulés, les révolutions de cette jeunesse turbulente qui cassait les fauteuils et lançait des pétards pour un angle de prise de vue insolite ou un montage accéléré vertigineux. Ces révolutions-là semblent à tout jamais éteintes. Dans la rue des Ursulines, à minuit, les riverains peuvent aujourd'hui entendre le bruit assourdi d'une foule sage qui sort du cinéma. Ponctuel, régulier, c'est comme le roulement lointain du train dans la campagne qui réveille le paysan et le dispense de craquer une allumette pour regarder sa montre. Dès minuit, tout dort de nouveau dans la rue des Ursulines. Tout? Peut-être pas ce locataire de l'entresol au-dessus du grenetier, ou celui du troisième au-dessus du charbon marchand de vin, qui restent éveillés et pensent aux belles nuits de leur jeunesse, où l'on cassait tout dans la rue, et où il n'était pas question de fermer l'œil avant 3 heures du matin parce qu'une bande de jeunes énergumènes, qui s'appelaient René Clair, Germaine Dulac ou Henri Chaumette, faisaient éclater leurs cartouches de dynamite jusque sur le trottoir. C'était le bon temps. Mais dans la salle, tout volet clos, toutes lumières éteintes, est-ce le silence et l'obscurité? Ce texte d'Alexandre Arnoux peut nous en faire douter. À minuit, toutes les bobines enroulées dorment dans leurs boîtes. Et peut-être les écrans recouverts d'ombre jouent-ils pour leur propre compte une féerie invisible que nul œil humain ne percevra jamais à cause du péché originel qui coupe nos communications avec l'âme des objets. Si un enfant très pur, cependant, avait été oublié dans la salle, au recoin d'une loge, pourquoi ne verrait-il pas, lui? Et s'il devenait poète, pourquoi ne raconterait-il pas ce qu'il sait? La radiodiffusion française vous a présenté une évocation radiophonique de Roger Réjean. Les Ursulines ont 25 ans, avec Roland Alexandre, de la Comédie Française, le récitant, Amédée, le guide. Alexandre Arnoux, Marcel Carné, Ève Francis, Fernand Léger, Man Ray, Philippe Soupeau et Armand Tallier, fondateur avec Laurence Mirga du studio des Ursulines, ont évoqué leurs souvenirs. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre des airs de l'opéra de Katsu de Kurt Weill, La fiancée du pirate chantée par Margot Lyon, La complainte de Maquis jouée à l'orgue de Barbarie par Léo Noël. Assistante, Olga Lancement. Réalisation, Jean-Wilfried Garrett. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter le 11 février 1952.